Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la prise d'otage de l'OIADA. Le 3 février 1976, à Djibouti, un groupe de terroristes détourne un bus de ramassage scolaire. Rejoint, puis encerclé par un contingent de l'armée française, le véhicule termine sa course à quelques dizaines de mètres de la frontière avec la Somalie, un pays ennemi. À Paris, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est pris de vertige lorsqu'il découvre qu'à l'intérieur du bus se trouvent 31 enfants, tous de nationalité française. Refusant de céder aux demandes des preneurs d'otages, il décide d'envoyer une unité spéciale jusqu'alors inconnue, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le désormais fameux GIGN. À la tête de ce commando, aux techniques de tir et aux méthodes d'intervention d'un nouveau genre, un jeune lieutenant, Christian Proutteau. Pour lui et ses hommes, l'OIADA sera leur baptême du feu et même un acte de guerre. Notre invité aujourd'hui, Jean-Luc Rivat, ancien sous-officier au sein des unités de recherche du renseignement de l'armée. Il a participé à la création et au développement de l'école interarmée du renseignement et des études linguistiques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le GIGN, dont l'un est consacré à cette affaire. Le livre en question s'appelle « Les enfants de l'OIADA ». Il est paru aux éditions Nimrod en 2016. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INLA, écrit aujourd'hui, préparé aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La situation de Djibouti est celle d'un petit territoire qui est le voisin de deux grands États d'Afrique, l'Éthiopie et la République de Somalie. Et ce petit territoire où la présence, où la souveraineté de la France a été pendant très longtemps, en tout cas depuis la fin du XIXe siècle, admise sans difficulté par nos voisins et en particulier par l'Éthiopie, cette présence de la France est maintenant contestée. À la fin du mois de janvier 1976, l'ancien Premier ministre et ministre des départements et territoires d'outre-mer, Pierre Messmer, s'exprime sur l'antenne de France Inter. Avec des mots graves, il évoque le regain de tension qui gagne Djibouti, ce confetti de zones arides et désertiques situées sur la corne du continent africain à l'est. Djibouti, territoire français des Afars et des Issas, isolé à plus de 5500 km de la métropole. Djibouti, son port militaire et sa base aérienne 188, sur lesquels décollent et se posent tous les jours les avions de l'armée de l'air à la cocarde bleu-blanc-rouge. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France maintient sur ce territoire une présence militaire permanente, un peu plus de 5000 hommes. Centre névralgique des dispositifs, un aérodrome aux allures de forteresse. En 1976, Djibouti demeure un endroit stratégique. C'est d'abord le lieu d'escale indispensable des avions d'Air France pour rallier l'île de la Réunion, située dans l'océan Indien. Djibouti, c'est ensuite, en plein contexte de guerre froide, une zone tampon entre l'Éthiopie, soutenue par l'Occident, et la Somalie, soutenue par les Soviétiques. Enfin, par sa position géographique, Djibouti offre aussi un droit de regard et de contrôle sur le golfe d'Aden, là où transite une grande partie du trafic maritime mondial et, en particulier, les supertankers aux cuves pleines de pétrole. En ce mois de janvier 1976, Djibouti s'invite à la une de l'actualité. Sur place, depuis plusieurs semaines, les membres du Front de Libération de la Côte des Somalies et autres groupes indépendantistes sont à l'origine de plusieurs attentats contre les positions françaises, qu'elles soient civiles d'ailleurs ou militaires. Face à la tournure des événements, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, consent à accorder à Djibouti son indépendance. Alors, pour éviter toute intrusion, les autorités françaises encerclent la ville de fils de fer barbelés. À quelques rares endroits, des checkpoints gardés par des militaires lourdement armés permettent d'accéder à la ville. Et chaque soir, à la tombée de la nuit, c'est le couvre-feu. Les barrières se referment, des checkpoints s'abaissent, la ville de Djibouti se retrouve isolée du reste du territoire. Face à ce climat de tension, le député Pierre Sudreau estime que le pire est à craindre. Je vois bien ce qui se passe à travers Djibouti, la côte des Somalies, qui rentre dans la zone de turbulence, de convoitise des grandes puissances, à travers l'océan Indien, qui devient maintenant un élément essentiel de la stratégie mondiale pour tous les problèmes, pétrole, etc. Mais quelles que soient les causes profondes, on ne peut être qu'indigné. « Mardi 3 février 1976, 7 heures du matin. À Djibouti, sur la base militaire 188, c'est l'effervescence. Plusieurs véhicules de transport se rapprochent d'un avion cargo qui vient d'atterrir. Au loin, le soleil déjà brûlant fait fondre le goudron. La journée s'annonce très chaude dans le golfe d'Aden. Ce matin, Jean-Michel Dupont, un jeune appelé du contingent, est appelé pour remplacer un collègue chauffeur. Il doit conduire le bus de ramassage scolaire de la ligne 5, celui qui emmène les enfants des militaires à l'école primaire de la Nativité. Sous l'œil du superviseur, Jean-Michel s'installe dans le bus et démarre. Une fois sorti de la base, il aperçoit le premier arrêt. Il s'arrête et ouvre les portes. Les enfants montent à bord, le bus repart. Quelques minutes plus tard, nouvel arrêt, cette fois parmi les garçons et les filles qui montent, Jean-Michel reconnaît un visage, celui du petit Frank Rutkowski. Il referme les portes et redémarre. À l'arrière, comme toujours, les enfants crient, chantent, jouent. 7h15, le bus de ramassage scolaire de la ligne 5, avec à son volant Jean-Michel Dupont, arrive à l'arrêt dit de la Cité du Progrès. Non loin de là, une palmeraie sauvage. Ici, l'habitude veut que les bus se retrouvent et que les enfants passent de l'un à l'autre pour rejoindre les différentes écoles. Quelques grands embarquent dans un camion militaire pour le collège. Et c'est à ce moment-là que la journée très ordinaire de Jean-Michel Dupont et de la trentaine d'enfants assis dans le bus bascule. Soudain, en effet, trois hommes armés de fusils d'assaut et d'un pistolet mitrailleur surgissent. Ils grimpent dans le bus, bousculent les enfants et les font asseoir au fond. Ils éjectent un militaire français venu compter les enfants. Puis, ils se tournent vers Jean-Michel Dupont qui témoigne. C'est là que, sorti de nulle part, un quatrième homme est apparu et il a braqué le canon de son arme sur moi. Il m'a crié « Démarre ! Démarre !» Alors j'ai remis le contact, fermé les portes et on est reparti. À l'arrière, je voyais dans mon rétroviseur le visage des enfants. Ils étaient figés, terrorisés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Très vite, l'un des terroristes m'a hurlé de prendre la route d'Arta. J'ai compris qu'il voulait nous emmener vers le sud. Lancé sur la piste à plus de 70 km/h, le bus de ramassage scolaire avec les 31 enfants, le chauffeur et les 4 terroristes armés s'éloignent de la ville et file droit vers le désert. Les minutes passent, à bord personne ne parle. Les enfants assis tout à l'arrière sont terrorisés. Puis Jean-Michel Dupont aperçoit, à une centaine de mètres devant lui, le poste de barrage numéro 6. Un gendarme français se dresse au milieu de la route et lui intime l'ordre de s'arrêter. Mis en joue par le canon d'une arme, Jean-Michel Dupont ne ralentit pas. Au contraire, il accélère et force le passage. Au dernier moment, le chauffeur du bus donne un coup de frein et un coup de volant et réussit à éviter de justesse le gendarme qui tombe à la renverse. Dans la confusion, l'un des terroristes tire une rafale de fusil d'assaut sur le poste barrage. Un autre membre du commando sort une lettre de sa poche et la lance à travers les vitres du bus. Quelques instants plus tard, les militaires découvrent un message écrit dans un français approximatif qui dit ceci. Ce car est pris en otage par un commando du Front de Libération de la Côte des Somalis. Vous feriez mieux de le laisser passer si vous tenez la vie des enfants. Au même instant, le bus de ramassage scolaire continue sa course folle sur une piste en sable à moitié défoncée. Une arme pointée à quelques centimètres de son visage, Jean-Michel Dupont exécute les ordres des preneurs d'otages. Il tourne à gauche, puis s'engage sur une nouvelle piste de sable. Bon sang, réalise le chauffeur, il nous emmène droit vers la Somalie. L'espace d'une fraction de seconde, Jean-Michel Dupont songe à donner un coup de volant et à coucher son bus en travers pour mettre fin à cette cavale. Mais il y renonce, en pensant aux enfants qui pourraient être blessés, voire tués, lors de l'impact. Les enfants, justement, brinque-ballés sur les sièges, malmenés par les coups de frein, hurlent de peur. Dans son rétro, Jean-Michel Dupont aperçoit, à travers la poussière, la silhouette d'un 4x4. Ce sont les gendarmes mobiles qui lui filent le train. L'alerte a donc été donnée. Mètres plus loin, au poste frontière de l'Oyada, point d'accès à la Somalie, les gendarmes ont reçu pour consigne d'empêcher le bus de passer par tous les moyens. Sur les ondes du canal radio, on apprend que 2 hélicoptères de l'armée seront là d'ici quelques minutes. À la jumelle, le chef de brigade, le gendarme Mermet, observe le bus qui se rapproche. Il devine à l'intérieur les terroristes debout, armes à la main. Les militaires décident alors d'utiliser leur véhicule 4x4 pour bloquer la piste. Face à cet obstacle, le car est contraint de ralentir, puis de s'arrêter. Le gendarme Mermet dépose alors son arme au sol et s'approche de la porte avant du bus pour tenter d'engager une discussion avec les preneurs d'otages. Dans un grincement sec, la porte s'ouvre. L'un des terroristes pointe son arme avant de tirer une rafale au pied du gendarme. Et c'est alors qu'on entend le grondement des hélicoptères. Les terroristes commencent à paniquer. Ils s'invectivent en arabe. La tension monte d'un cran. Ils n'ont pas de plan, se dit Jean-Michel Dupont, le chauffeur. Ce dernier propose alors aux ravisseurs d'écrire leurs éventuelles revendications. Et il réussit à faire libérer le plus jeune des enfants pour qu'il aille apporter le message aux autorités. Sur celui-ci, on peut lire. Les terroristes m'ont demandé de vous écrire leurs revendications. Ils veulent s'adresser au gouvernement français. Ils exigent au nom de leur mouvement du FLCS et en échange de la libération des otages, l'annulation par le gouvernement français du simulacre de référendum prochain et la reconnaissance sans condition de l'indépendance de Djibouti. La libération immédiate de tous les détenus politiques. L'arrêt immédiat de toute mesure répressive. Enfin, les terroristes me font écrire que si le gouvernement français essaie de faire le malin, il aura à le regretter. Paris, 8h du matin, ministère des Affaires étrangères. Les premières informations qui arrivent d'Afrique font part d'une trentaine d'enfants, tous fils et filles de militaires, détenus par des indépendantistes armés à quelques centaines de mètres de la frontière somalienne. Alerté dans la foulée, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, lui qui avait mis l'indépendance de Djibouti sur les rails quelques semaines plus tôt et qui avait d'ailleurs essuyé les critiques de son propre gouvernement, se sent trahi. Pour lui, cette prise d'otage est une humiliation. Pire, c'est la toute première fois que les autorités françaises se retrouvent dans une situation de ce genre. Personne ne sait quoi faire. Si bien que c'est le secrétaire d'État au Dom-Tom, Olivier Stirn, qui transforme son bureau en centre de crise. Il fait apporter des cartes de Djibouti, il essaie de joindre des spécialistes de la région. La crainte du secrétaire d'État à ce moment-là, c'est que le bus et les otages traversent la frontière et réussissent à passer en Somalie. Assis seul à son bureau, Giscard sait que la gravité de la situation exige une réponse sans équivoque. D'une part, pour sauver la vie des enfants, mais aussi montrer que personne ne peut intimider la France. Parmi les dossiers présents sur la table du chef de l'État, il y a une note signée de son ministre de l'Intérieur, Michel Poniatowski, au sujet d'une toute nouvelle unité d'intervention qui a démontré son efficacité lors d'une opération contre des terroristes à l'aéroport d'Orly quelques mois plus tôt. Sur le papier, quatre lettres retiennent l'attention du président. G-I-G-N. Valéry Giscard d'Estaing décroche son téléphone et appelle le directeur de la gendarmerie. Au même moment, à Djibouti, le correspondant de France Inter, Georges Tourlet, se montre inquiet sur l'issue de cette prise d'otage. Chaque heure qui passe va augmenter un peu plus, si cela est encore possible, l'angoisse des familles et l'inquiétude de la population européenne comme autochtone. Tout le monde est littéralement abasourdi à Djibouti par ce qui se passe là-bas, du côté de l'Oyada. On ne comprend pas comment ces 30 enfants, dont certains ont moins de 5 ans, on ne comprend pas comment ils peuvent faire l'objet d'un tel chantage politique. Comment tout cela va-t-il se terminer? Comment la France pourrait-elle accéder à de telles exigences? Inlassablement, ces questions, chacun ici ne cesse de se les poser. L'Oyada, chemin blanc en langue somalie, est un village frontière situé en bord de mer. Quelques maisons faites de planches et de torchis, à côté un fortin de l'armée française, tout autour des palmiers et le désert de sable, et puis là-bas, à 100 mètres au sud, le poste frontière somalien. C'est ici que se trouve le bus détourné par les terroristes. On le reconnaît à sa peinture vert bouteille et ses lignes blanches horizontales sur les côtés. À l'intérieur, il fait une chaleur épouvantable, plus de 40 degrés. Les enfants pleurent, d'autres se plaignent. Le chauffeur, Jean-Michel Dupont, tente de les rassurer comme il peut. De leur côté, les quatre terroristes, vraisemblablement drogués, se montrent agressifs. Présent sur place, le haut-commissaire Jean Froment monte à bord du bus et propose au preneur d'otages de l'échanger, lui, contre les enfants. Les terroristes refusent. Et le menace d'une arme. Ils obtiennent même de pouvoir déplacer le bus pour le rapprocher un peu plus de la frontière. Désormais, le véhicule n'est plus qu'à 40 mètres de la Somalie, dans une zone appelée le No Man's Land. Afin de gagner du temps et de soulager la peine des enfants, on apporte des plateaux repas fournis par Air France et des bouteilles d'eau. Le gendarme Mermet et le haut commissaire Frambon continuent d'entretenir le contact avec les preneurs d'otages. Ces derniers semblent totalement dépassés par l'ampleur des événements. Joint par téléphone, le journaliste Daniel Grand-Clément, présent à Djibouti, explique les motivations du groupe terroriste. Le car est donc immobilisé en plein désert, autour des militaires, le haut commissaire adjoint, M. Froment, et enfin le consul de Somalie, Ahmed Mohamed. Dans l'immédiat, le consul de Somalie est d'ailleurs le seul à pouvoir faire quelque chose. Le FLCS, le Front de Libération de la Côte des Somalies, l'auteur de la prise d'otage, est un mouvement clandestin et il a son siège en Somalie. C'est d'ailleurs là qu'il s'entraîne militairement à la guérilla. Son but, amener Djibouti à l'indépendance, tant qu'aucune force française ne soit maintenue pour un jour annexer le territoire à la Somalie. No Man's Land, entre Djibouti et la Somalie, quelques heures plus tard. Les choses prennent ici une tournure inquiétante, écrit l'envoyé spécial de France Inter, Georges Tourlet, dans un message envoyé par Telex à sa rédaction à Paris. Sur place, en effet, plusieurs véhicules blindés et des automitrailleuses de l'armée française se sont placés le long de la frontière. À l'aide de jumelles, les militaires scrutent la mince bande de terre qui sépare le bus de la Somalie. Côté somalien, plusieurs camions de type soviétique viennent de déposer des soldats. Ces derniers installent des mitrailleuses et des sacs de sable. Lorsque soudain, un officier français avertit sur les ondes du canal radio que le moteur du bus vient de se remettre en route. Le véhicule avance au ralenti de quelques dizaines de mètres et vient faire un virage sur la gauche pour se mettre en parallèle avec la frontière. La porte avant s'ouvre. À Paris, le chef d'état-major ordonne alors aux militaires français de se mettre entre le car et la frontière. Un ordre totalement incohérent vis-à-vis de la situation sur le terrain et qui témoigne du décalage et de l'incompréhension sur ce qui est en train de se jouer sur place. Plus haut gradé à Djibouti, le général Brazard décide alors d'ignorer les ordres et d'en se remettre à la seule expertise de ses hommes. La priorité est de faire monter dans le bus un autre adulte capable de rassurer les enfants. Une jeune assistante sociale de la base, Jeanne Bru, se porte volontaire. En fin d'après-midi, le gendarme Mermet accompagne la jeune femme jusqu'au car. De l'autre côté de la frontière, les militaires somaliens observent la scène. D'abord, surpris, les terroristes acceptent la présence de la jeune assistante sociale. Jeanne Bru vient donc au chevet d'une petite fille qui souffre d'une rage de dents. Elle prend dans ses bras un autre enfant, Frank Rutkowski. Celui-ci lui demande alors « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» À cet instant, malgré la tension, Jeanne Bru lui adresse un regard bienveillant et un sourire. Puis elle lui met une couverture et tente de le rassurer. « Demain, Frank, on rentre demain. Sois patient jusque-là. » Présent sur la base aérienne de l'armée française, l'un des envoyés spéciaux de France Inter, Edmond Louis Simondo, décrit l'atmosphère. Le soleil s'est couché sur le désert de sable et de pierre de l'Oyada, à 17 km de Djibouti. 30 très jeunes enfants sont toujours dans le car, dont les 4 terroristes du Front de Libération de la Côte des Somalies se sont emparés très tôt ce matin. Ces enfants s'apprêtent à passer leur première nuit dans l'inconfort et le froid. À Djibouti, c'est l'angoisse chez les familles des enfants qui ont été enlevés. À la base aérienne, les parents, les yeux gonflés, le cœur serré, attendent vainement des nouvelles. Dans la journée, du ravitaillement et des boissons ont été distribués. Le haut commissaire adjoint de la République, M. Froment, ainsi que plusieurs personnalités de Djibouti se sont offertes en otage en échange des enfants. Le commando refuse et maintient ses exigences. Annulation officielle de la procédure du référendum. Reconnaissance sans condition aucune de l'indépendance du territoire français des Afar et des Issa. Libération immédiate de tous les détenus politiques. Quelques heures plus tard, en pleine nuit, un avion spécial du commandement de transport aérien militaire français se pose en bout de piste de la base aérienne 188 à Djibouti. L'appareil arrive tout droit de Paris. À son bord, 9 hommes habillés en civil qui transportent de longues malles de fer. Ces individus au regard sombre et à l'allure discrète, ce sont les gendarmes de l'unité spéciale du GIGN. Le président de la République, en personne, leur a donné carte blanche, avec pour mission très claire, de libérer et de ramener sains et saufs les 30 enfants toujours pris en otage. Autrement dit, mettre un terme à cette affaire. Savoyer. Jusqu'à 13h au dernier Top Inter. France Inter, le journal Jean-Pierre Elkabbach. De plus près de 30 heures, maintenant, la vie d'une trentaine d'enfants est une fois de plus en cause à des fins politiques. Les négociations engagées à Loyauda, à la frontière du territoire français des Afar et des Issa, semblent piétiner. La ville de Djibouti s'est véritablement refermée sur elle-même. Oui, il est interdit d'en sortir. La circulation est également interdite dans la région où se trouve l'autocar, donc les enfants. Une région que seuls les hélicoptères de l'armée survolent sans interruption. 30 enfants enfermés dans un véhicule que le soleil chauffe dans la journée. Il fait une trentaine de degrés dans ce coin de désert, mais dans lequel il fait très froid la nuit. L'assistante sociale qui depuis hier a pu monter dans ce véhicule a apporté d'ailleurs des couvertures, des vivres, de la boisson aussi. Et tous les commentateurs confirment que ces enfants sont en bonne santé et qu'ils paraissent particulièrement calmes. On imagine évidemment l'émotion qu'a suscité l'événement à Djibouti. Les militaires y constituent la moitié de la population européenne. Ils sont 5000 hommes représentant les trois armes, dont plus de la moitié pour l'infanterie. Presque tous des militaires de carrière qui passent en général 2 ans dans ce territoire de 23 000 km², dans lequel la vie quotidienne est avant tout familiale pour les expatriés. Et on comprend d'autant mieux l'angoisse des parents que les ravisseurs ont menacé ce matin d'exécuter leurs otages s'ils n'obtenaient pas satisfaction. Mardi 4 février 1976, 7h du matin, poste frontière de Loyada, Djibouti. Arrivé dans la nuit par avion de Paris, les hommes du GIGN, emmenés par le lieutenant Proutot, mettent en place un dispositif d'observation. En longeant la plage et en rampant sur le sol, ils parviennent à s'approcher à moins de 50 mètres du bus. Et ils se tiennent prêts à intervenir à tout moment. Mauvaise surprise. Avec la lumière du petit matin, le GIGN constate que l'armée somalienne a déployé plusieurs blindés et des dizaines d'hommes tout au long de la frontière. Autre élément intrigant, si la barrière avec la Somalie est toujours fermée, des individus vont et viennent du côté somalien, jusqu'au Gard. Paré à toute éventualité, le lieutenant Proutot répartit ses tireurs d'élite. Les hommes du GIGN extraient des fusils à lunettes infrarouges de haute précision de leur grande malle. Des armes redoutables, au service d'une stratégie osée, le tir groupé. Conscient en effet qu'une intervention à pied ou par véhicule est impossible vu la nature du terrain, le lieutenant Proutot est convaincu que la seule solution, c'est l'élimination simultanée des terroristes présents à bord du bus, suivie d'une intervention groupée avec les hommes de la Légion pour sécuriser l'autocar et réfréner les ardeurs des Somaliens. Dans l'heure qui suit, 6 tireurs d'élite du GIGN se mettent en position. Ils sont à 200 mètres du car. Alignés en demi-cercle face à l'objectif, les coudes plantés dans le sol, l'index le long de la détente, l'œil rivé à leurs lunettes de visée, ils sont prêts. Chaque tireur se voit attribuer un secteur de tir. Relayés en contact permanent par radio, ils signalent par un code lorsqu'ils sont en mesure de neutraliser leur cible. L'ordre d'élimination ne sera alors donné que par le lieutenant Proutot et que lorsque tous seront envoyés le même signal au même moment. Très pro. En milieu de matinée, le gendarme Mermet, chef de la brigade de Loyada, se rend jusqu'au bus pour apporter de l'eau et échanger avec l'assistante sociale Jeanne Bru. Des années plus tard, il racontera. Alors je disais, écoutez madame, je disais, il va se passer quelque chose, on va essayer de sauver les enfants. Mais j'ai dit, il faut faire quelque chose, j'ai dit, parce que il faut qu'on arrive à avoir les terroristes seuls. Alors j'ai dit, ce que vous allez faire, vous demanderez aux enfants de se coucher dans le fond du corps, de se coucher sur les fauteuils, et puis de faire la sieste et de ne pas, surtout de ne pas bouger. Puis j'ai dit, vous et le chauffeur, qui était à côté d'elle. J'ai dit, ce que vous faites, vous vous abouchez devant comme ça, et puis vous baissez la tête comme on ne vous voit pas. Elle m'a dit, d'accord, monsieur. J'ai dit, il va certainement y avoir des coups de feu qui vont être tirés, quoi. Au même moment, à 5500 km de là, à Paris, à l'Élysée, se tient une réunion de crise. Mis au courant des derniers rebondissements de la nuit, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, entend faire preuve de fermeté absolue, dit-il. Et dans l'éventualité où la situation tournerait au fiasco, l'ambassadeur de France à l'ONU a pour consigne de convoquer en urgence le Conseil de sécurité. Les ordres du président sont clairs. Si les terroristes du Front de libération de la Côte des Somalis maintiennent leurs revendications, s'ils ne sont prêts à aucune concession, alors autorisation sera donnée au GIGN d'ouvrir le feu. Et il ne se fera pas prier, il est formé pour ça et il le veut. De surcroît, Giscard veut que l'affaire soit terminée aujourd'hui afin que les enfants ne passent pas une deuxième nuit dans le bus. Au poste frontière de l'Oyada, les heures passent, les négociations piétinent. Le soleil est désormais à son zénith, la chaleur écrasante rend difficile l'observation en continu des tireurs d'élite. Soudain, l'un des hommes du GIGN joint le lieutenant Proutot sur le canal radio. Lieutenant, maintenant c'est certain, il y a collision entre les soldats somaliens et les terroristes. Un homme armé venant du poste frontière vient de rejoindre le car. Ils sont maintenant 6 dedans. À ce moment précis, Proutot comprend qu'il va devoir outrepasser les ordres. Jamais il n'obtiendra les conditions requises, à savoir un seul terroriste à bord pour ouvrir le feu. Lui et ses hommes sont capables d'abattre 6 hommes en même temps, alors ils vont tenter leur chance. La vie des enfants en dépend. Et puis, au diable, le pouvoir politique, c'est nous les pros, c'est nous qui savons. C'est ainsi que sur ces certitudes, le GIGN se discréditera dans l'affaire des Irlandais de Vincennes plus tard, mais c'est une autre histoire. Dans cette prise d'otage de l'OIADA, tout va se jouer l'après-midi même. À 15h45, les hommes du GIGN ont enfin une fenêtre de tir. À ce moment précis, les 6 terroristes à bord du bus sont tous visibles. Sur le canal radio, des voix se mettent alors à crépiter et annoncent les numéros des cibles à abattre. Le lieutenant Proutot donne l'ordre de tirer. Une seule détonation étouffée par le vent et les 6 balles filent à 840 mètres secondes vers leur objectif. La suite, c'est l'envoyé spécial de France Inter, Georges Tourlet, qui la raconte. Tour d'élite et la Légion étrangère partent à l'assaut du Caire. Les 4 hommes du commando, plus 12 autres qui étaient venus de Somalie les rejoindre pendant la nuit, étaient ceci tour. Mais voyant qu'ils ne peuvent stopper l'avance des troupes françaises, les terroristes retournent leurs armes contre les enfants et c'est l'horrible drame. Un enfant, une fillette est tuée. 5 autres blessés dont un grièvement. Les chauffeurs du Caire et l'assistance sociale qui avait assisté, aidé les enfants toute la nuit dernière, sont légèrement blessés. Quant aux 6 membres du commando du FSS, ils sont tous abattus. Ce soir à Djibouti, il y a des familles en deuil. La population est très triste, mais tout le monde a l'impression d'avoir de peu échappé à un énorme drame. L'assaut aura duré en tout 8 minutes, mais dans ces conditions, c'est long, évidemment, éprouvant. Une fois la zone sécurisée, le GIGN se rend compte que tous les terroristes ne sont pas morts lors du tir simultané. Non, un 7e homme posté dans la palmeraie, toute proche, est revenu dans le bus et a eu le temps de faire usage de son arme avant d'être neutralisé. Un hélicoptère médicalisé rapatrie les blessés à la base aérienne 188, première étape avant qu'ils ne soient transférés à l'hôpital militaire de Djibouti. À l'arrivée de l'appareil, on dénombre 6 enfants grièvement blessés par balle. Une fille était morte sur le coup, une autre est dans un état critique. Elle sera rapatriée en catastrophe à Paris, mais décédera à son arrivée dans la capitale. L'assistante sociale, Jeanne Bru, et le chauffeur du bus, Jean-Michel Dupont, eux aussi sont dans un état jugé sérieux. Malgré la neutralisation de 6 terroristes et la libération des enfants pris en otage, pour le lieutenant Proutot et les gendarmes du GIGN, la mission est quand même un échec. À leur retour à la base aérienne, pourtant, les hommes du GIGN sont félicités par les militaires et une partie des familles, tous conscients que le bilan aurait pu être bien plus grave s'ils n'étaient pas intervenus. Au même moment, sur France Inter, le secrétaire d'État aux Outre-mer, Olivier Stirn, justifie l'assaut. Pourquoi il y a eu cette intervention qui apparaît à certains subite ? Eh bien, parce que, d'abord, le gouvernement a eu le sentiment, et de plus en plus, que tous les enfants, la vie de tous les enfants, était menacée. Il tirait cette impression d'abord du fait de l'ultimatum inacceptable, qui en réalité constitue une affreuse menace, qui avait été proférée ce matin, et qui disait, vous en souvenez, que non seulement si nous ne répondions pas à toutes les demandes, les enfants seraient passés par les armes, mais qu'en plus ils seraient égorgés. Dans les heures qui suivent, un vent de panique souffle sur Djibouti lorsqu'on découvre qu'un des enfants présents à bord du bus manque à l'appel. C'est le petit Frank Rutkowski, 6 ans. Dans la bousculade, il aurait été kidnappé par d'autres terroristes et emmené en Somalie. L'ambassadeur de France à Mogadiscio, Jean Guéry, tente tout de même tout ce qu'il peut pour localiser l'enfant et le mettre en sécurité. Au même moment, sur les ondes de la radio somalienne, l'un des porte-parole des terroristes affirme que l'enfant a été recueilli et qu'il est actuellement soigné dans un hôpital somalien. Franck sera rendu à la France si celle-ci accepte enfin les exigences qui avaient été lancées par les preneurs d'otages, à savoir le retrait militaire français et l'indépendance immédiate de Djibouti. Et ça recommence. Mais, après 2 jours d'intenses négociations et de tractations diplomatiques, le petit Franck Rutkowski est libéré. Avant son retour à Paris, un reporter de France Inter l'interroge par téléphone, ainsi que l'ambassadeur de France en Somalie. Est-ce que tu as eu peur ? Un peu. Est-ce que tu as parlé déjà à ton papa et à ta maman au téléphone ? Non, demain. Maintenant, tu vas rentrer chez toi ? Oui. Tu es content ? Oui. Monsieur l'ambassadeur ? Allô ? Bon, le garçon n'a pas souffert du tout, alors ? Tout, non. Non, non, il n'a pas souffert. Il a été, je pense, correctement traité. Et tout va bien, rassurer ses parents. Avec la libération de Franck, s'écrivent les dernières lignes de la prise d'otage de l'Oyada. Mais cette affaire ne sera pas sans conséquences. Handicapé à vie, le chauffeur du bus Jean-Michel Dupont et la courageuse assistante sociale Jeanne Bru, elle aussi blessée, garderont le traumatisme de cette attaque. Les 28 enfants rescapés, eux aussi, resteront marqués à vie. Avec l'envoi du GIGN à Djibouti, le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, a tenté un pari extrêmement audacieux qui a marqué le point de départ de l'histoire opérationnelle de cette unité de gendarmes d'élite, le GIGN. Connue aujourd'hui et respectée dans le monde entier pour sa rigueur et son savoir-faire, cette unité assure toujours, à l'abri des regards, une mission de tous les instants et de toute nature, dès lors qu'il faut agir rapidement, pour le meilleur souvent, parfois pour le pire. Thank you. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la prise d'otage de Loyada Djibouti en 1976, dont nous allons parler avec notre invité Jean-Luc Riva. Bonjour. Bonjour. Donc, ancien officier au sein des unités de recherche du renseignement de l'armée, vous êtes auteur de plusieurs ouvrages sur le GIGN, on peut dire de référence d'ailleurs, dont l'un d'eux est consacré à cette affaire Loyada. Le livre en question s'intitule tout simplement « Les enfants de Loyada ». Il est paru aux éditions Nimrod en 2016. Votre dernier livre, lui, s'appelle, alors je l'ai dans les mains, mais il est très lourd, hein. Très très lourd, ce livre, avec beaucoup d'illustrations. Alors, ça s'appelle « Confession d'un Nops, cette force qui existe en nous, un opérationnel. » Ça, c'est Feral. Feral. Feral, c'est, ouais. Le titre, c'est Feral, titre, cette force qui existe en nous. Voilà, ça, c'est sur le processus de sélection des hommes du GIGN et pour tous les candidats aux forces spéciales. Et pourquoi écrivez-vous « Savoir se préparer physiquement et mentalement aux épreuves d'une unité d'élite et aux épreuves de la vie », ça peut tout servir pour une autodéfense. Voilà. Non, mais ça peut servir à tout un chacun, à la fois physiquement et psychiquement. Alors, cette histoire, ce drame de Loyada est passionnant, intéressant, dramatique, parce qu'elle est des victimes, mais il est l'occasion, évidemment, de parler du GIGN. Quand a-t-il été créé, ce GIGN, exactement? Alors, le GIGN a été créé exactement deux ans avant l'affaire de Loyada, le 1er mars 1974. D'accord. Est-ce qu'entre 1974 et 1976, le GIGN a mené des opérations importantes, spectaculaires? Alors, spectaculaire non, il a participé à des opérations importantes comme une prise d'otage à Orly avec Carlos. Carlos est parti, mais il n'avait pas fait de coup d'éclat encore avant Loyada. Donc c'était son baptême du feu, on peut le dire? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qui a provoqué sa reconnaissance à la fois nationale et internationale. C'est l'avènement du GIGN. Absolument. En quelque sorte. Un point doré. Le premier. Alors, on pourrait penser que la décision du président Giscard d'Estaing est audacieuse d'envoyer le GIGN, qui n'avait pas une si grande expérience que ça, finalement, mais avait-il le choix? De quel moyen disposait la France dans celui-là? À l'époque, la France disposait de deux unités de la police nationale, la BRI et puis le GIPN, mais qui n'ont pas le même entraînement, qui n'ont pas la culture militaire qui permettait d'être interopérable immédiatement avec les militaires qui étaient sur place, en particulier la Légion étrangère. Donc le choix était extrêmement limité, et avant de donner cet ordre, Giscard a donné des petits coups de sonde à gauche et à droite pour confirmer ce que disait Poniatowski, c'est-à-dire à l'état-major des armées, au directeur de la gendarmerie, et il s'est avéré que le GIGN était la seule unité capable de mener à bien cette opération. Voilà pourquoi ils sont partis. On a souvent tendance à lier GIGN et François Mitterrand pour beaucoup de points importants qui se sont passés avec le GIGN, mais finalement, oui. Le GIGN, c'est Giscard. Enfin, c'est sous Giscard. Retenons ça, tout à fait. C'est d'ailleurs, sous Giscard. Vous m'avez dit, le 1er mars 1974, c'est même sous Pompidou. Parce que Giscard a été élu en mai. Tout à fait. Il y avait à l'époque une affaire qui traînait de prise d'otage, c'était l'affaire Françoise Claustre, qui était retenue en otage depuis 1974, en Afrique, au Tchad, et Giscard voulait éviter de répéter les mêmes erreurs. Bien sûr. Alors, quel regard vous portez sur le bilan du GIGN dans cette opération de Loyada? Parce que c'est à la fois réussi, la prise d'otage était combattue, mais il y a des victimes et des enfants. C'est quoi? C'est un échec? C'est un demi-échec? Qu'est-ce qu'on dit dans Alors, ce cas-là? Moi, je pense que Loyada est une des opérations de libération d'otages les plus complexes à laquelle a eu à faire face une unité antiterroriste. D'abord, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de drone, nous sommes à 6 km de la France, il n'y a pas de liaison par téléphone ni d'image satellite, ce qui entraîne un décalage entre la situation sur le terrain et ce qu'on ressent à Paris. Quand Proutot... Oui, on l'a dit d'ailleurs. Et quand Proutot prend l'avion pour Djibouti, on lui dit... Il y a trois terroristes qui ont fait une prise d'otage à Djibouti, en milieu urbain. Donc trois terroristes, c'est 6 fusils. C'est pour ça qu'il n'emmène que 6 tireurs d'élite. Et quand il arrive à Djibouti, il se retrouve en plein désert, avec un car avec 31 enfants, et il y a au moins 8 terroristes et une trentaine de soldats somaliens de l'autre côté. Voilà. Ouais. Donc il y a un décalage de la réalité. Donc c'est une affaire complexe, les conditions climatiques sont extrêmement difficiles, il fait plus de 40 degrés, la très longue attente dans le désert sans pouvoir bouger, le comportement imprévisible des enfants, qu'il faut aussi savoir gérer, c'est pour ça que le facteur temps est un facteur déterminant. Et il y a aussi une incertitude qui règne quant à la réaction des forces somaliennes. Et cette opération va devenir un cas d'école. S'y ajoute la distance qui sépare les hommes du GIGN et les légionnaires du quart, 200 mètres pour les premiers, 400 pour les légionnaires, ce qui rend impossible un assaut immédiat. C'est-à-dire qu'entre les coups de feu et le moment où les premiers vont arriver sur le quart, les premiers Français, gendarmes et légionnaires vont arriver sur le quart, il va se passer un laps de temps qui est de l'ordre de la minute à peu près, au moins. Donc techniquement, c'est vraiment les conditions les plus difficiles. Ouais, c'est très compliqué. Puis alors, pour compliquer tout ça, il y a un ordre stupide du président de la République qui dit vous ne tirerez que s'il y a un seul terroriste à bord. Alors, Giscard, quand j'écris le livre, c'est le seul qui a refusé de me recevoir. Et j'ai analysé un peu cette décision. Je pense que Giscard était un chasseur de fauves. C'est un chasseur d'Afrique. Il tirait très souvent en fusil à lunettes. Il était persuadé que les gens étaient incapables de faire un tir coordonné avec plusieurs tireurs simultanés sur des cibles différentes et qui pouvaient être mobiles. Voilà. Je pense que c'est ça. Et ça, c'était votre principe cardinal au GIGN, le tir groupé. Oui, tout à fait. Pour ça, en tout cas. Pour eux, oui, c'est le principe. C'est le principe de base, c'est le tir simultané, de façon à battre tous les... En même temps. Mais, voilà. Et donc, Proutot va passer outre. Et c'est un fait qui n'est pas anodin, parce qu'il marque ce que doit être l'autonomie d'un chef d'unité d'intervention sur le terrain. Il doit être capable de réaliser très rapidement la balance du gain escompté par rapport aux conséquences d'un échec. Et en fait, la culture du risque, c'est la culture de la décision. Hein. C'est ce qui doit être la marque des chefs d'unité, tel que le GIGN. Jean-Luc Rivard, on va continuer à parler du GIGN et de ces méthodes qui ne sont pas que des méthodes de gros bras. Hein. Ça passe aussi par la parole. On voit ça tout à l'heure. Freedom, item, meet 'em, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Weed and the key. Weed and the key them to life, let's beat them. Weed them smartphones, don't beat them. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Voilà, et le morceau de musique très dynamique qu'on vient d'entendre, c'était Mia. Borders, c'est de circonstance, ça veut dire frontière, et le drame dont nous parlons se passe à la frontière somalienne. Alors, quand même, en lisant votre livre, une révélation, Jean-Luc Riva, c'est que les terroristes n'avaient pas pour intention de faire une prise d'otage. Alors au départ, pas du tout. Et c'est en examinant attentivement les rapports d'enquête de la gendarmerie de Djibouti, en recueillant des témoignages de Djiboutiens, que la trame de la tragédie apparaît. Le dimanche 1er février à 21h, il y a 7 membres du FLCS, un parti adepte de la violence et du terrorisme, qui se retrouvent au cimetière d'Ambouli. Parmi eux, il y a 4 jeunes militants qui veulent fuir la ville de Djibouti pour échapper au ratissage, au foot, parce que ils ont des armes. Mais Djibouti est cerné par un, vous l'avez dit tout à l'heure, par un barrage de barbelés contrôlé par des checkpoints, et donc toute fuite est pratiquement impossible. Donc ils ont concocté un plan très simple. En fait, il suffit de prendre en otage un car scolaire qui va les amener directement à la frontière somalienne, et de là, ils pourront partir en Somalie, où ils seront à l'abri. Lorsqu'ils le soumettent au cadre du FLCS qui sont avec eux dans ce cimetière, ceux-là, ils voient tout de suite le parti qu'ils peuvent tirer de cette opportunité. Ils savent pourtant que l'indépendance est en marche, mais ils veulent damer le pion, surtout à leur concurrent de la LPAI, qui est un parti concurrent, mais qui lui est démocratique. Ils sont avec lequel ils sont en lutte pour la future direction du pays. Et pour marquer un point décisif, ben il n'y a pas mieux que de tordre le bras au gouvernement français pour qu'il précipite un peu l'indépendance du pays. Donc ce soir-là, c'est eux, les anciens, qui vont écrire les revendications à transmettre aux Français, qui vont donner aux jeunes. Là. Mais rien ne se passera comme prévu, parce que jamais le car ne franchira la frontière somalienne. Oui, on l'a raconté, voilà. Effectivement. À la fin des années 2000, vous avez découvert de nouvelles informations au sujet de l'OIADA. Alors, les informations, c'est les informations de Wikileaks. Oui, c'est voilà, vrai. C'est les informations de Wikileaks. Parce que dans Wikileaks, on s'aperçoit par exemple que les échanges entre l'ambassade somalienne, l'ambassade américaine en Somalie, et Washington reportent fidèlement celle de l'ambassade française, qui est en train de dealer un peu avec les Somaliens pour la libération du petit Frank Rukowski. Et en fait, Siad Barré, ce grand démocrate, avait coupé les communications de l'ambassade française, qui fait que l'ambassadeur français Jean Guéry venait dans l'ambassade américaine pour transmettre ses messages en France, même s'ils étaient chiffrés, mais comme les Américains avaient le chiffre, eh bien, ils transmettaient absolument tout ce qui se passait. Et Jean Guéry, dedans, d'ailleurs, se plaignait qu'il en apprenait plus en écoutant France Inter que par les canaux officiels. Voilà. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Bien, plusieurs décennies après les faits, plusieurs rescapés, dont le chauffeur Jean-Michel Dupont et deux des enfants, Nathalie Vitani et Marie-Laure Henry, ont témoigné face à la caméra de France 2. Ils ont livré leurs souvenirs. On en écoute un extrait. Mon souvenir, oui, ce moment très assez effroyable parce que tu as 6 ans et demi, mais en même temps tu comprends que il y a quelque chose de vraiment grave qui se passe, et puis de voir l'arme braquée sur Jean-Michel. Et des enfants, on peut raconter tout ce que, quand on est passé le poste frontière. Et dans le No Man's Land, il y en avait certains, je sais plus qui, mais qui venaient me voir, qui m'ont dit, mais quand est-ce qu'ils vont te tuer, ou est-ce que tu vas mourir? C'est des garçons, ça. Hein, c'est des garçons, ça. Quand il y a eu l'assaut, et ben, ça a tué le gardien, j'ai regardé, et tout de suite, on a dit tout le monde sous les sièges. Et c'est vrai que Nadine, moi, je l'ai mis en dessous, et c'est relevé à un moment, et c'est là que j'étais touché aux jambes, quoi. Lequel elle a été tuée? Bien, en même temps. Pour moi, c'est un gros trou noir. Et par contre, c'est les bruits, c'est les odeurs. Il y a eu un moment où j'ai dû être tellement tétanisée que jusqu'à ce que le soldat vienne. C'est les légionnaires qui nous ont sortis du bus. Ah, certains sentiments d'abandon et d'oubli. Vous avez rencontré Franck Rutkowski, ce petit garçon dont nous avons évoqué la périlleuse aventure dans ce récit. Au téléphone, je crois, vous l'avez eu? Moi, j'ai eu au téléphone. Qu'est-ce qu'il vous a transmis comme sentiment? Franck, c'est le seul qui se soit échappé. Et manque de chance, pour lui, il a fait un 180 degrés. Il est parti vers la Somalie au lieu de partir côté français. Et il s'est fait coxer par les terroristes dans une villa. Et il a été pris en otage pendant 4 jours. Et il reste, d'abord tous les otages sont restés extrêmement marqués. Et il a tout noté dans un cahier, aidé de sa grand-mère. Et ce qui lui a permis de reconstituer son périple 40 ans plus tard, et avec beaucoup de détails, comme celui d'une femme qui ne l'a jamais quitté pendant 4 jours et qui était armée d'un fusil. À côté de ça, il y a quand même eu des choses terribles. Il y a un petit otage qui s'appelle David Brisson, dont je voudrais parler. Dans la dernière phase de l'assaut, c'est ce terroriste qui sort de la palmeraie, qui fait un retour offensif vers le car, qui rentre dans le car et qui va donner un coup de crosse magistral extrêmement violent au petit David, qui va défigurer à vie. Et le petit David, il va en garder un souvenir prégnant. À chaque fois que la pluie tombera très fort ou que des gravillons frapperont le pare-brise de la voiture, il se cachera parce que ça lui rappellera les impacts des balles qu'il entendait. Et il aura du mal à gérer ça, et en 2014, il ne supportera plus et il se suicidera. Il mettra fin à ses jours. Je disais que cette histoire était tragique. Elle est tragique. Un mot sur le GIGN. Comment on recrute des gendarmes pour qu'ils soient dans le GIGN? Il suffit pas de le vouloir, j'imagine, parce que c'est un corps d'élite. Alors, la sélection des gendarmes du GIGN est sans conteste une des plus longues et des plus complètes qui soient. Elle se décompose principalement en trois phases. Donc la première, une semaine de sélection. Donc on teste les candidats sur les aptitudes mentales, intellectuelles, la résistance au stress. On regarde les phobies, les phobies comme par exemple la peur du vide, la claustrophobie, etc. Ça constitue un socle plancher qui est extrêmement élevé et qu'un candidat sur deux ne franchit pas. Mmh. Ceux qui restent après ce premier écrémage vont passer un prestage de 9 semaines à peu près, extrêmement difficile. Là, les instructeurs vont tester leur motivation, la résistance à la fatigue, au froid, au sommeil, au manque de sommeil, à la résilience, cette faculté à accomplir une mission dans une ambiance dégradée avec peu de moyens. Et l'évaluation porte tant sur le physique que sur le comportement psychologique. Ah voilà. On y vient parce que je vous coupe parce que on vient à l'essentiel. On a l'impression que le GIGN sont des aventuriers qui n'ont peur de rien avec des gros bras. Mais l'autre qualité du GIGN, c'est sa faculté à savoir négocier avec les preneurs d'otages. Et ça, je crois que c'est important au GIGN. Ah tout à fait. Alors il y a dans le processus de sélection justement que je viens de vous décrire à peu près la volonté de s'assurer que les hommes qui intègrent l'unité ont bien compris l'éthique. Celle-ci a été posée en des termes simples par le père fondateur, Christian Proutot, préserver la vie au mépris de la sienne. Donc l'arme ne doit pas être le prolongement du courage. Voilà. Jolie formule. Et donc, à chaque fois que cela est possible, le GIGN privilégie la négociation. Et ça concerne principalement les affaires de droit commun. La négociation est aussi utilisée comme un moyen combiné à l'intervention. Bien sûr. En particulier en présence de forcenés. C'est une des raisons qui fait que le GIGN a eu des blessés, même des morts, lors d'interventions où l'assaut à main nue sur des forcenés a été préféré à l'ouverture du feu. Ceux qui tendent à oublier ce principe ne restent pas à l'unité. Bon. Selon vous, le plus grand succès ou les plus grands succès du GIGN, s'il fallait citer une ou deux affaires? C'est Marignane, c'est l'Oyada. Alors, Marignane, c'est décembre 2014, l'Airbus A320. 94. Ouais. Oui, 94, parce que Édouard Balladur était Premier ministre à l'époque, et on l'a vu beaucoup, il est beaucoup intervenu. Bien, donc celle-là, et puis et L'Oyada, tout simplement. Oui, tout à fait. Il y en a bien d'autres, mais... Bien, c'est... merci en tout cas pour toutes ces précisions, Jean-Luc Riva. On a parlé du GIGN dans les coulisses, c'est pas fréquent de parler du GIGN comme ça. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la prise d'otage de l'Oyada, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr pour toute information complémentaire à notre émission. À la technique aujourd'hui, Anne Lorcochet. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.